Unité 3, leçon 1. Document 1, page 46. Marion, tu connais l'appartement de Nathalie ? Oui, je le connais. Elle m'invite quelquefois. Et toi ? Non, je ne le connais pas. Il est bien ? Très bien. C'est un deux pièces dans un petit immeuble. Il y a une entrée, un grand salon, une belle chambre, une cuisine et une très jolie salle de bain. Moi, je voudrais déménager. Mon studio est trop petit. Oui, c'est vrai, mais je l'aime bien. Il est agréable. Oui, mais je voudrais un F1 avec une chambre séparée parce que je voudrais vivre avec Julien. Oui, je te comprends, Carole. Et toi, où tu habites maintenant ? Moi, j'habite avec deux copains dans une maison. On a trois chambres, un salon et deux salles de bain. Mais je voudrais un grand jardin. Et les copains, tu les vois beaucoup ? Non, pas trop. Mais je les entends. Ils sont musiciens.